الحمد لله الحمد لله رب العالمين لالونج est à Dieu Seigneur des univers العلي الأعلى le haut le très haut يعلم الجهر وما يخفى qui connaît tout ce qui se dit ou se fait publiquement ou bien en cachette ou en privé. وَيُيَسِّرُ مَنْ يَشَاءُ لِلْيُسْرَى et il prédispose celui qui il veut vers la voie la plus aisée. وَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى et il en sera écarté le plus malheureux. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى qui rôtira au feu le plus grand. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه. Une fois, le prophète, prière et salut sur lui, dit à ses compagnons, يَطْلَعُ عَلَيْكُمُ أَوْ عَلَيْكُمْ الْآنَ رجل من أهل الجنة. Maintenant, il va vous apparaître un homme du paradis ou des gens du paradis. فطلع رجل من الأنصار. Et c'était un homme parmi les Ansar, parmi les gens de Médine, qui est arrivé, qui est apparu. فلما كان الغد. Et le lendemain, قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. Le prophète prière et salut sur lui, le lendemain a dit la même chose. Ça veut dire, maintenant il va vous apparaître un homme du paradis. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. Et il y avait le même homme qui est apparu aux compagnons comme dans la première fois. فلما كان اليوم الثالث. Et lorsqu'il y avait le troisième jour, قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا. Le troisième jour, le prophète, prière et salut sur lui, a dit la même chose. فطلع ذلك الرجل. Et c'était le même homme qui est apparu devant les autres. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم, après le départ du prophète, prière et salut sur lui, تبع عبد الله ابن عمر ذلك الرجل. Abdullah, fils de Amr, que Dieu soit satisfait de lui, a poursuivi cet homme. وَطَلَبَ مِنْهُ مُرَافَقَتَهُ ثَلَثْ أَيَّامِ et lui a demandé de l'accompagner pendant trois jours. وَنِيَّتُهُ أَنْ يَعْرِفَ مَاذَ يَفْعَلْ هَذَ الرَّجُلُ حَتَّى اسْتَحَقَّ الْجَنَّةِ. Son intention cachée était de découvrir ce que fait, ce que accomplit cet homme pour pouvoir mériter le paradis. وبعد ثلاث ليالي après trois nuits قال عبد الله ابن عمر لذلك الرجل après trois nuits عبد الله fils de عمر dit à cet homme سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات j'ai entendu dire le prophète prière et salut sur lui dire à trois reprises يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة maintenant il va vous apparaître un homme parmi les gens du paradis فطلعت أنت ثلاث مرات et c'était toi pendant les trois reprises qui est apparu فأردت أن أصاحبك et j'ai voulu t'accompagner فأنظر ما عملك pour voir quelle est ton œuvre qu'est-ce que tu fais. فَأَقْتَدِي بِكْ comme ça je vais te suivre, comme ça je vais faire comme toi. فَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَبِيرَ عَمَلْ et je t'ai pas vu faire quelque chose de grandiose, tu n'as pas fait quelque chose de qui sort de l'ordinaire, tu n'as pas fait beaucoup d'adoration. فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ donc qu'est-ce qui t'a fait atteindre ce niveau prononcé par le prophète prière et salut sur lui ça veut dire le paradis. قَالَ الرَّجُلُ l'homme a répondu مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ c'est uniquement ce que tu as vu ce que je fais tu l'as vu غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشَّ mais seulement, ou à part cela, je n'ai pas dans mon cœur aucune tromperie pour aucun musulman. Je ne trompe jamais aucun musulman. Wala ahsudu ahadan. على خير أعطاه الله إياه. Et je ne suis jamais, je ne montre jamais jaloux à l'égard de quelqu'un pour un bien que Dieu lui a donné. فقال عبد الله, et عبد الله lui dit, هذه التي بلغت بك, c'est ça qui t'a fait atteindre ce niveau. رواه الإمام أحمد والنسائي والبزار والبيهقي. Ce hadith ou cette histoire a été rapporté par l'imam Ahmed, النسائي, البزار et البيهقي. وفي رواية, et dans une autre version, قال الرجل وسموه سعد ابن مالك رضي الله عنه. Dans une autre version, l'homme dit, et ils lui ont donné ils l'ont nommé, c'était Saad, fils de Malik, que Dieu soit satisfait de lui. Ma huwa illa ma ra'ayt, c'est uniquement ce que tu as vu. Illa anni lam abit baghinan ala muslim. Amri ma bit fil layl wa naghdban ala muslim wa ana mamlu' bil ghadab aw bil hiqd aw bil taghina ala muslim aw muslima. Mais seulement, je n'ai jamais passé une nuit avec le cœur plein de haine envers un musulman. Faqala Abdullah, hadhihi allati balaghat bik. Abdullah lui dit, c'est ça qui t'a fait atteindre ce niveau. Wa hiya allati la nutiq, et c'est difficile pour nous. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم, il dit, prière et salut sur lui, لا يجتمع في جوف عبد, لا يجتمع, ما يمكنش يجتمع في جوف في قلب عبد الإيمان والحسد. Deux ne peuvent jamais cohabiter dans le cœur d'une personne, la foi et la jalousie. Rawahu Ibn Hibban wal Bayhaqi, rapporté par Ibn Hibban et l'imam al-Bayhaqi. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa auladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd ayyuha al-ikhwatu wal-akhwatu fil islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habibi muhammadin al-mustafa, alayhi afdalu al-salati wa azka al-salam, très cher ou bien-aimé Muhammad al-mustafa, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. نبقى دائما في سلسلة الأخلاق الإسلامية. Nous allons rester toujours aujourd'hui aussi dans, avec la chaîne ou avec la série de la morale islamique. وكما قلت دائما, et comme je l'ai dit toujours, فمن بين أسباب أزمات المسلمين ومشاكلهم اليوم, parmi les crises des musulmans, parmi leurs problèmes d'aujourd'hui, أمراض القلوب, les maux ou les maladies des cœurs. فمن السهل أن يعطي المرء صبغة إسلامية للظاهر. Il est très facile que quelqu'un de nous donne une couleur islamique à son extérieur, à son aspect apparent, libas, les habits, al-lihya, la barbe, al-hijab, le voile, al-shakl, la forme. نعطي قيمة للشكل ولا نعطي قيمة للمضمون. On donne une grande importance à la forme, mais on ne donne pas la même importance au fond. إلى آخره, etc. ولكن من الصعب جدا أن يعطي المرء صبغة إسلامية لقلبه. Mais il est très difficile que quelqu'un donne à son cœur une couleur islamique. فهذا هو الجهاد الأكبر. Tel est le grand jihad. Jihad التغيير, le jihad du changement. أن يعالج المرء قلبه من كل الأمراض. Que la personne soigne son cœur de toutes les maladies. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن الكبر. Nous avons parlé dans le vendredi précédent à propos de l'orgueil. واليوم سنتكلم عن الحسد. Aujourd'hui, on va parler de la jalousie. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. ترى نعمة عند أحد فتتمنى أن تزول النعمة من عنده. La jalousie, c'est le fait de souhaiter la disparition d'un avantage, d'un bien, d'une grâce, d'un bienfait de la part d'autrui. La jalousie, c'est le fait de ne pas aimer le bien pour l'autre, lui souhaiter le mal, la perte. Al-hasad maradun yaskunu fi qalbi al-hasid. La jalousie est une maladie qui habite dans le cœur du jaloux. Wa la yarahu an-nas. Une maladie dans le cœur qui n'est pas vue par les gens, yarahu faqat rabbun nas, mais qui est vue, qui est repérée uniquement par le Seigneur des gens. Al-hasad narun tashta'ilu fi qalbi al-hasid. Kullama ra'a al-mahsud. La jalousie est un feu qui s'enflamme, qui s'allume dans le cœur du jaloux à chaque reprise qu'il rencontre ou qu'il regarde la personne jalousée ou enviée. Aousani'a ismahu. Un feu qui s'allume dans le cœur du jaloux à chaque fois où il entend parler, où il entend le nom de sa victime. Aoufakkarafi. Aoukulama fakkarafi. Yashta'il, tashta'il nar al-hasad. Ou à chaque fois qu'il pense à sa victime ou à sa jalousie, à sa personne jalousée, le feu de la jalousie s'allume dans son cœur. Lamma yara al-mahsoud, lamma al-hasid yara al-mahsoud, ka'anna an-nara takhruju min 'aynayhi. Lorsque le jaloux observe, regarde la personne jalousée comme si le feu sortait de ses yeux. Qala ta'ala an kuffari Makkah. Dieu a dit à propos des mécréants, mécois. Ceux qui ont mécru ne sont sûrement pas loin de te faire glisser avec leur regard, de te faire chuter ou tomber avec leur regard, depuis qu'ils entendirent le livre de rappel, et ils disent, ça veut dire par jalousie, par haine, ils disent c'est vraiment un fou. Les mécréants de la Mecque ont choisi la mécréance malgré qu'ils ont connu la vérité. Et c'était uniquement par jalousie à Muhammad, prière et salut sur lui. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Muhammad l'orphelin comme prophète? Et Dieu, pourquoi n'a-t-il pas choisi l'un parmi nous qui sont riches dans la Mecque? Et ils ont voulu le tuer. Et Dieu l'a préservé, Dieu l'a sauvé. Et et les gens du livre dans Médine par la suite ont connu qu'il est prophète, ils ont su que c'était un prophète, mais leur jalousie envers lui ou la jalousie a empêché ces mécréants de suivre ou ces gens du livre de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fanabrat al-hasid. قال الله عنها ممكن كانت تقرب أو تقارب من أن تسقط النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فقط النظرة. فما بالك بالتدبير والمكيدة والبرمجة والتخطيط لقتل أو لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. Donc regardez mes frères et mes sœurs ce que peut faire uniquement le regard d'un jaloux. Il peut te faire chuter. Il peut te faire presque tomber. Que dire de ces planifications, de ces plans sataniques? La raison ou la cause de la jalousie peut être la fortune, parce que tu es riche, al-jamal ou la beauté, al-quwwa la puissance, al-ilm la science, al-nufud le pouvoir, parce que tu as le pouvoir, donc tu es jalousé par les gens. Al-Najah, le succès, la réussite, al-Sihah, la bonne santé, il a akhiré, etc. Sabab al-Hasad, huwa al-Ni'am, allati yatamatta biha al-Mahsoud. La cause de la jalousie est l'avantage ou les grâces dont jouit la personne jalousée. ويتألم الحاسد من أجلها, et dont souffre le jaloux. هناك من لا يستطيع النوم من شدة حسده. Il y a des jaloux qui n'arrivent pas à dormir le soir à cause de leur excès de jalousie envers quelqu'un. والحسد غالبا ما يجتمع مع مرض آخر. Et souvent la jalousie est accompagnée dans le cœur par une autre maladie interdite, وَهُوَ النِّفَاقِ, qui est l'hypocrisie. فَلَمَّا يَلْتَقِ الْحَاسِدْ مَعَ الْمَحْسُودِ, lorsque le jaloux rencontre sa personne jalousée, sa personne enviée, يَتَبَسَّمْ لَهُ, il sourit pour lui. ابْتِسَامَ النِّفَاقِ, un sourire d'hypocrisie. À l'intérieur, il y a un feu brûlant, un feu allumé, enflammé, et tu montres le sourire. C'est quoi cette hypocrisie? Et le jaloux va dire à sa victime de meilleures paroles, comme si c'était un frère, comme si c'était un ami intime. ظاهر الكلام عسل, l'apparence des paroles est un miel. والقلب نار حسد مشتعلة, mais l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur, dans le cœur, un feu de jalousie bien allumé. حسد ونفاق, jalousie et hypocrisie. لماذا هو نجح وأنا خسرت, pourquoi lui il a pu réussir et moi j'ai échoué. لماذا هو تزوج بسهولة, pourquoi lui, il a pu se marier facilement et moi jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu me marier. Je suis refusé par tout le monde. Pourquoi lui, il a trouvé un travail et moi je suis sans travail. Pourquoi elle, son mari, se comporte très bien avec elle à son égard et moi mon mari est un diable. Limada awladuhu salihin, pourquoi ses enfants sont vertueux, wa ana awladi shayatin, et moi mes enfants sont des satans, sont des diables. Limada baytuhu kabir jamil wa ana bayti saghir haqir, pourquoi sa maison est belle et grande et mon foyer tout petit, ila akhiri, etc. والحسد حرام في الإسلام. Et la jalousie est interdite, strictement interdite en islam. الحسد منافي للإيمان. La jalousie s'oppose à la foi. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, ولا تحسدوا, et ne vous jalousez pas, ou ne soyez pas jaloux les uns des autres. متفق عليه, unanimement authentique, Al-Bukhari et Muslim et d'autres. وربما يتساءل متسائل, et peut-être quelqu'un va s'interroger, هل الحسد يضر المحسود, est-ce que la jalousie nuit à la personne jalousée ou à la personne enviée? Al-Jawab, la réponse, نعم بإذن الله, la réponse oui, bien sûr avec la permission de Dieu, ça peut nuire. ولهذا علم الله تعالى وتبارك حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول في هذه الآية الكريمة مستعيذا بالله من شر حاسد إذا حسد, أعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد, إذا مصيبة هذه إذا كان حسد ممكن أن يضرني بإذن الله تعالى وتبارك, فأنا أطلب معونة, أطلب استعادة من الله من شر هذا المخلوق الخبيث المريض. Et Dieu, pour cette raison, Dieu a enseigné à son bien-aimé Mohammed, prière et sur lui, de dire, à travers un verset coranique, de demander la protection de Dieu contre quoi? Contre le mal d'un jaloux, quand il jalouse. فالحاسد غالبا ما يحاول الإضرار بالمحسود, وهذه المصيبة. Le jaloux souvent va passer à une deuxième étape qui est nuire à la victime, nuire à la personne jalousée. بكل الطرق المباشرة أو غير المباشرة, et ceci avec tous les moyens directs ou indirects. انتقاما منه, afin de se venger de cette personne. وكل هذا ظلم حرام. Et tout ceci est une injustice interdite. Le Coran nous a donné quelques exemples. Pour cela, j'ai choisi parmi ces exemples trois. Le premier exemple. Le premier qui a jalousé ou qui était jaloux dans le ciel, était Iblis. والمحسود أول محسود هو أبونا آدم عليه السلام. Et la personne jalousée, la personne victime de cette jalousie était notre père Adam, prière et salut sur lui. لأن الله فضله بالعلم, parce que Dieu a honoré notre père par la science, il est devenu jaloux. وبسجود الملائكة هذا السبب لماذا سجدت له الملائكة ولم تسجد لي أنا. Et à cause de la prosternation des anges à notre père, وبال خلافة اختاره الله خليفة, et à cause du fait que Dieu l'a choisi comme calife sur terre, فانتقم منه بالحيلة. ما بقاش غير حسد, لا, سنمر للطور الثاني هو الإيذاء. Donc ça ne s'arrête pas à la jalousie, mais il y aura l'autre étape, c'est nuire, faire mal à la personne jalousée. Et par sa ruse, il a causé sa sortie, il a sorti de sa femme, notre mère Ève, du paradis. قَالَ تَعَالَى Dieu le Très-Haut dit, يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ Au fils d'Adam, surtout que le diable ne vous tente pas du même qu'il a sorti vos deux pères du paradis. المثال الثاني, le deuxième exemple, أول معصية وقعت في الأرض, le premier péché qui a eu lieu sur la terre, حَسَدُ بْنِ آدَمَ لِعَدُوِهِ لا لأخيه. La jalousie du fils d'Adam, de l'un des fils d'Adam, c'est pour son ennemi, non, pour son frère. Abna Nabi Allah Adam alayhi salam, les fils du prophète de Dieu Adam, prière et salut sur lui. Qabil wa Habil, Caïn et Abel. Fakana Habil sayatazawwaj bi imra'a al-qadiyah adiyah ila al-an. Abel avait ou voulait se marier avec une femme. Et jusqu'à maintenant, c'est normal. فَأَرَادَ قَبِيل أَخُوه قَبِيل أَرَادَ الزَّوَاجِ بِنَفْسَ الْمَرْأَةِ. Et son frère Caïn a voulu se marier avec la même femme, voulu par son frère Abel. فَاحْتَكَمَ عِنْدَ أَبِهِمَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Ils ont demandé justice auprès de leur père, le prophète Adam, prière et salut sur lui. فقال لهما أبوهما, leur père leur dit, قدما قربانا لله, faites, chacun de vous doit faire une offrande à Dieu سبحانه, doit offrir quelque chose à Dieu. ومن تقبل الله قربانه يتزوج بتلك المرأة. Et celui dont Dieu va agréer l'offrande va par la suite se marier avec cette femme. فاختار هابيل أحسن كبش سيعطي لله. اختار هابيل أحسن كبش مما عنده من غنم ليقدمه لله قربانا. Et Abel a choisi le meilleur bélier qu'il avait parmi ses moutons afin de l'offrir à Dieu subhanahu wa ta'ala. Il a choisi la meilleure chose, comme quelqu'un parmi nous qui choisit le meilleur billet qui se trouve dans sa poche pour donner à Dieu, il y a un autre qui va choisir la plus mauvaise pièce. C'est pas un centime ou moins qu'un centime à donner à Dieu subhanahu wa ta'ala. واختار قابيل أسوأ ما عنده من الزرع. Caïn, qui était un agriculteur, il a choisi le blé, la partie la plus mauvaise que son blé. Et il a dit, je donne à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Wallahu tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Mais le problème, Dieu est bon et n'accepte que ce qui est bon. Tu ne peux pas donner du mauvais à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Nabi, dans le hadith, il a dit l'imam muslim, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Comme l'a dit le prophète prière et sagesse, dans un hadith rapporté par l'imam muslim. Fataqabbala Allahu kabsha Habil. Et Dieu a agréé le front qui était le bélier d'Abel. Wa rafada qurban Qabil. Et il a refusé l'offrande faite par Caïn. Wa ishta'ala al-hasad fi qalbi Qabil ala akhihi. Et le feu de la jalousie s'est allumé dans le cœur de Caïn vis-à-vis de son frère. Kayfa yataqabbalu Allahu min akhi wa la yataqabbalu minni ana. Comment Dieu a pu agréer l'offrande de mon frère et a refusé la mienne? Wa kayfa yatazawwaj akhi bil mar'a allati urid wa la atazawwaj biha ana. Et comment mon frère va se marier avec la femme que je voulais? فدفعه الحسد هذه الحسد هناك سبب السبب يأتي بالحسد والحسد يدفعك للجريمة للإضرار بالمحسود. Et par la suite il y avait la deuxième étape, sa jalousie l'a poussé à tuer son frère. ومن بعد حسده دفعه إلى قتل أخيه فكانت أول جريمة في الدنيا أول قتل في الدنيا. Et ce fut le premier meurtre dans cette vie, ici-bas. قال ابن مسعود رضي الله عنه, fils de Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم, يعني قابيل على ابن آدم كفل نصيب من دمها. Chaque être, chaque personne qui est tuée, qui est assassinée par injustice, à chaque fois qu'il y a ça, le fils d'Adam, Caïn, a sa part du crime. لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ. Parce que c'était le premier qui a instauré le meurtre, qui a fait cette mauvaise sunna. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit dans un verset, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Récite-leur la nouvelle des deux fils d'Adam en toute rectitude quand ils firent une offrande à Dieu. Elle fut agréée de l'un d'eux et ne fut pas agréée de l'autre. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Il dit, je te tuerai pour sûr. قال الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. Il dit, ça veut dire le deuxième, le second frère, il dit, Dieu n'agrée que de la part des gens pieux. فطوعت له نفسه الحسد الموجود في نفسه طوع له ماذا قتل أخيه. فطوع لو لم يكن الحسد في القلب لما قتل أخاه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Son âme bestiale lui minimisa le meurtre à cause de la jalousie qui existait dans le cœur. Son âme bestiale lui minimisa le meurtre de son frère et il le tua et il se trouva de ce fait parmi les perdants. المثال الثالث والأخير, le troisième et dernier exemple, Abna Yaqub alayhi salam, les enfants de Jacob, prière et salut sur lui. Hasadu akhahum as-saghir Yusuf alayhi salam. Ils étaient jaloux à l'égard de leur petit frère Joseph, prière et salut sur lui. L'imad, هناك دائما سبب للحسد, اما المال واما كذا واما كذا. السبب اباه يحبه اكثر منهم. La raison, la cause de leur jalousie envers leur petit frère, c'est que son père l'aimait trop, l'aimait plus que par rapport à eux. فَأَرَادُوا الْإِنْتِقَامَ مِنْهُ. Et ils ont cherché à se venger. نَمُرْ لِلْطَوْرْ أَتَنِ الْإِنْتِقَامَ. Et la deuxième étape, c'est la vengeance. Ils ont voulu se venger de lui. أَرَأَيْتُمْ. Avez-vous vu دَائِمًا حَسَدْ فِي الْقَلْبِ. Toujours, il y a d'abord une jalousie dans le cœur. ثُمَّ انْتِقَامَ مِنَ الْمَحْسُودِ. Et par la suite, une vengeance de... envers la personne jalousée. فَفَكَّرُوا فِي قَتْلِهِ. Ils ont pensé à le tuer. Ils ont programmé son assassinat. وَرَمَوْهُ فِي الْبِئْرِ. Et ils l'ont jeté dans le puits. قَالَ تَعَالَى. Dieu dit dans un verset coranique, لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Ce furent vraiment en Joseph et ses frères des signes pour ceux qui en ont demande. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ قَوِيَّةٌ. qu'ont-ils dire? Assurément, Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Vraiment, notre père est dans un égarement manifeste. Ça veut dire le père qui est prophète dans un égarement. Et eux, les fautifs, sont sur le droit chemin. Regardez ce que fait la jalousie et l'aveugle. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Tuez Joseph ou jetez-le dans une terre lointaine et de cette façon vous serez les seuls objets de l'attention de votre père, quitte à être après lui des gens vertueux. اخي اختي frère sœur, اذا كان الحسد وقع بين الاخوه, si la jalousie dans le passé lointain a eu lieu entre des frères, أبناء الأنبياء des enfants de prophètes, وتسبب في معاصي كالقتل, et cette jalousie a causé des péchés comme le meurtre, فما بالك اليوم, que dire aujourd'hui, وماذا يمكن أن يحصل بسبب الحسد بين المسلمين, et qu'est-ce qui peut avoir lieu ou arriver entre les musulmans à cause de la jalousie des musulmans ordinaires, al-muslimin, al-adiyin, fil a'ilat, dans les familles, fil ahya, dans les cités, fil amal, dans le travail, wa hatta fil jam'iyat al-islamiyya, et même au sein des associations musulmanes, wa hatta fil masajid, et même dans les mosquées, fal hadar al hadar, méfiance, méfiance, qabla al-wuqu' fil khatar, avant d'être en plein danger, akhi ukhti. أسألك بالله frère ou sœur, je te demande au nom de Dieu, لا تفتح أبدا هذا الباب في قلبك. N'ouvre jamais cette porte de ton cœur. Essaie d'être comme Saad, fils de Malik, qui n'avait jamais une jalousie à l'égard d'aucun musulman ou musulmane. كن كسعد ابن مالك رضي الله عنه الذي لم يكن في قلبه أبدا ولا مثقال حسد ضر من حسد لأي مسلم أو مسلمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وأصحابه, وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, قال الله تعالى في آية قرآنية, Dieu dit dans un verset coranique, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Ou bien est-ce qu'ils sont jaloux des gens pour ce que Dieu leur a donné de sa générosité? أخي أختي frère sœur, هذه الآية بينت أن المريض بالحسد يقوم بثلاث ذنوب كبيرة. Ce verset court a montré que le jaloux, le malade par la jalousie, commet trois péchés. الأول, الذنب الأول, le premier péché, أنه يتهم الظلم المحسود ويحقد عليه. Le premier péché, c'est qu'il accuse par injustice la personne jalousée et se remplit de haine à son égard. فالمحسود بريء. La victime de jalousie, la personne jalousée ou enviée, est innocente. لأن الله هو الذي أعطاه. Parce que c'est Dieu qui lui a donné. فالله يعطي من يشاء. Dieu donne à qui il veut. ويمنع من يشاء. Et Dieu prive qui il veut. الله يرفع من يشاء. C'est Dieu qui élève qui il veut. ويضع من يشاء. Et rabaisse ou baisse qui il veut. يغني من يشاء. Dieu enrichit qui il veut. ويفقر من يشاء. Et Dieu appauvrit qui il veut. يذل من يشاء. Dieu humilie celui qui il veut ou déshonore celui qui il veut. وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ, et honore ou anoblit celui qu'il veut. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ, il est faiseur de tout ce qu'il veut. فَالنِّعَمُ الَّتِي تَرَاهَا عِنْدَ النَّاسِ, tous les bienfaits que tu vois autour de toi, auprès des gens, minmal, la fortune, al-jamal, la beauté, al-ilm, la science, al-najah, le succès, ila akhiré, etc. Atat min Allah, est venu de la part de Dieu. Ils sont innocents. Personne n'a ramené de lui-même sa richesse ou sa beauté ou autre ou sa science. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui délivre. فَلِمَاذَا تَتَّخِدْ شَخْصًا عَدُوًا عَلَى نِعْمَ أَعْطَاهَ اللَّهُ لَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ. Pourquoi prends-tu quelqu'un comme ennemi à cause d'une grâce ou d'un bienfait que Dieu lui a donné sans sa volonté? فَعْلًا هَذَا مَرَضْ. Réellement, il s'agit là d'une maladie. Hada dhulm, c'est une injustice. Hada haram, c'est interdit. Ad-dhanbu thani, le deuxième péché, anna al-hasid, c'est que le jaloux, min haythu la yash'ur, sans se rendre compte, yattahimullaha bi-dhulm. Il accuse Dieu par l'injustice. Fahuwa lamma yaqul, lorsque le jaloux dit, limadha fulan yatamatta bihadhihi an-ni'mah, lorsque un jaloux dit intérieurement, pourquoi telle personne jouit de telle grâce ou de tel avantage, wa laysa ana, et pas moi, fa ana alladhi astahiquha badalan minhu, ça veut dire c'est moi qui mérite cette grâce au lieu de celui-ci ou celle-ci, fa ka'annahu yaqul, comme s'il dit par cette action, ya rab, ô Seigneur, anta zalim, tu es injuste. Ya Rab, anta la ta'rif, ô Seigneur, tu sais rien. Kana alayka an tu'tini ana hadhihi an-ni'mah. Hadhihi an-ni'mah, tu devais normalement me donner à moi cette grâce et pas à lui. Tu sais pas, Seigneur. Wa laysa fulanan, et non pas à cette personne qu'il fallait la donner. Fa ana alladhi astahiqu dhalika, ya Rab, ô Seigneur, c'est moi qui méritais cela. Hadha dhanb kabir, il s'agit là d'un grand péché. Le troisième péché, le troisième péché, c'est la non-satisfaction du jaloux de ce que Dieu lui a pré-écrit ou lui a destiné. Lorsque le jaloux regarde autour de lui, et il souffre de ce qu'il voit chez les gens comme grâce, et il devient jaloux vis-à-vis d'eux. Ceci signifie qu'il n'est pas satisfait de ce que lui, il a reçu de la part de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait devant la répartition faite par Dieu. Tu dis dans un verset coranique, sont-ils donc eux qui répartissent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie ici-bas et qui les avons élevés les uns sur les autres de certains degrés afin que les uns astreignent les autres à leur service. Mais la miséricorde de ton Seigneur est bien meilleure que ce qu'ils amassent. Frère, sœur, purifie ton cœur de la jalousie. Lorsque tu vois une grâce auprès d'un musulman, le musulman c'est ton frère, c'est pas ton ennemi. Fafrah, sois mon frère, heureux de ce que tu vois chez lui. Farah badal al-hasad, une joie à la place de la jalousie. Wasalillah ta'ala wa tabarak, et demande à Dieu le Très-Haut, an yubarik lahum ni'amahum, demande à Dieu qu'il bénisse pour eux leur grâce, leurs bienfaits, leurs avantages. Wa an yusa'idahum ala husn isti'maliha, demande à Dieu de les aider à bien utiliser ces grâces. Wa an yarzuqahum al-ikhlas, demande à Dieu que Dieu qu'il leur procure la sincérité. Idha wasalta ila hadha al-mustawa min al-iman, dans le cas où tu arrives, frère ou sœur, à ce niveau de foi ou de la foi, فَإِنَّ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ سَيُنْعِمُ عَلَيْكَ مِثْلَهُمْ أَوْ أَفْضَلَ مِنْهُمْ. Certes, à ce moment-là, celui qui leur a donné ses bienfaits, ses grâces, va te donner toi aussi de ses bienfaits, de ses grâces, ou peut-être il va te donner mieux que. قَالَ تَعَالَى, Dieu dit dans un verset, إِيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا الْآيَة. Si Dieu sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera un bien. أما إن رفضت يا أخي ويا أختي mais dans le cas où tu refuses frère ou sœur وفضلت الحسد et tu as préféré la jalousie فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول le messager prière et sage lui dit إياكم والحسد méfiez-vous de la jalousie فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب parce que la jalousie dévore les bonnes actions comme le feu qui dévore le bois sec رواه أبو داود والبيهقي وابن ماجه rapporté par أبو داود par ابن ماجه et par البيهقي فنار الحسد في القلب le feu de la jalousie qui se trouve dans le cœur تتحول إلى نار تحرق كل الحسنات ce feu de jalousie qui se trouve dans le cœur se transforme en un feu qui brûle toutes les bonnes actions de la prière du pèlerinage de tout يعني كل حسنات صيام زكاة صلاة الحج تحرقها لما تحسد شي واحد أسيدي حسن ما تحسدش وأنبه على أنه فرق هناك فرق بين الحسد والغبطة à la fin j'attire l'attention comme quoi il y a une certaine différence entre la jalousie et l'envie فالحسد هو إرادة الشيء وتمني زوال النعمة عن الغير la jalousie c'est le fait de souhaiter quelque chose et souhaiter en même temps sa disparition chez l'autre والغبطة et l'envie هي إرادة نفس الشيء من غير تمني زوال النعمة عن الغير l'envie c'est le fait d'être envie d'avoir quelque chose mais sans souhaiter sa disparition chez l'autre قال الفضيل بن عياد الفضيل بن عياد dit المؤمن يغبط le croyant envie والمنافق يحسد et l'hypocrite jalouse وأقول et je dis الغبطة تؤدي إلى المنافسة الشريفة l'envie saine mène vers la concurrence noble والحسد يؤدي إلى الانتقام et la jalousie mène vers la vengeance نسأل الله أن يقينا هذا المرض اللهم إني داع فأمنه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا من لا إله إلا أنت نسألك في هذا اليوم المبارك أن تطهر قلوبنا من الحسد ومن النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الحسد اللهم لا تجعل في قلوبنا حسدا للذين آمنوا وللذين أسلموا يا رب اجعلنا من الذين يحبون الخير لكل الناس يا رب املأ قلوبنا محبة وحبا لكل المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة